بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا ويسر لنا دراسة هذا الكتاب، كتاب التوحيد من جامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. فنواصل قراءتنا بحول الله جل وعلا، سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inshallah avec la permission d'Allah sur l'étude de ce chapitre. Donc on est toujours sur l'étude concernant l'étude de ces deux noms, le Tout-Puissant, Al-Aziz, Wal-Hakim. Et dans la dernière allocution, donc dans le dernier cours, on étudiait les différents récits qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, qu'a recensé l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire l'auteur, dans ce chapitre. En l'occurrence, il a mentionné des récits. Donc premièrement, il avait mentionné des versets, comme on a dit. Ensuite, il a mentionné des récits où il y a la mention justement de l'attribut de la puissance, le terme Al-Izza. Et donc, on était en train d'expliquer ces textes. Donc, on a d'abord expliqué avec l'aide du commentaire, en s'appuyant sur le commentaire de Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen. On a d'abord expliqué les versets. Donc, on a vu que dans certains versets, certains passages dans le Coran, donc il y a la mention de cet attribut, Al-Izza. Et ensuite, on avait mentionné les hadiths, justement, on était sur l'étude des hadiths qu'a mentionné l'auteur lui-même, l'imam al-Bukhari, et où, justement, on constate qu'il y a la mention de cet attribut qui est Al-Izza. Et dans ces différents textes, on constate qu'il y a la mention de cet attribut, donc l'évocation de Al-Izza, et lorsqu'il y a cette évocation de Al-Izza, elle est mentionnée dans un contexte de serment. C'est-à-dire qu'on voit que dans ces textes, il y a des serments qui sont faits par cet attribut Al-Izza. Et de ce fait, on était en train d'étudier justement la question du serment. Et donc, d'une manière plus générale, la question des serments par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une manière générale, on a appris dans les assises précédentes qu'il est permis de jurer, de faire des serments par les attributs d'Allah, et d'une manière plus particulière par la puissance, par Al-Izza. Si on traduit Al-Izza par la puissance ou par la gloire. Hein. Donc, ici, on a vu, on est en train d'étudier le hadith, où il y a justement la preuve hein, et la mention de cela, du fait qu'on peut jurer par Al-Izza, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans le dernier cours, on s'est arrêté sur le serment du prophète Ayyub. Ayyub, alayhi salam, qu'Allah lui accorde la paix. Et donc, Ayyub, il est mentionné à travers ce serment, à travers cette parole que rapporte l'imam al-Bukhari de Ayyub, lorsqu'il dit « Wa izzatika la ghina li an barakatik ». Et de ce fait, l'élément illustrant, ce qu'a expliqué Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est le début de ce serment et du fait que le prophète Ayyub ait fait le serment par la gloire ou par la puissance d'Allah, on peut rester maintenant sur le terme en arabe, par Al-Izza. Et on avait dit de même, comme nous a expliqué Cheikh Ibn Uthaymeen dans son commentaire, dans son livre ici, il dit de même, on peut retrouver cela, ce serment-là, le même serment, c'est-à-dire faire le serment par l'Isa, Shaitan, lui-même, Iblis, l'a fait lorsqu'il a juré qu'il allait causer la perte de tous les actes. Donc lorsqu'il a juré, il a fait le serment qu'il allait s'efforcer de causer la perte de tous les êtres, et il dit Ajma'in, hein, de l'ensemble des êtres, alors il a fait un serment par la puissance et par la gloire, et on avait dit que il a utilisé Al-Izza, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ce serment, du fait que ça convenait par rapport aux circonstances et au contexte. Et donc le fait de faire un serment, lorsqu'on utilise un attribut d'Allah pour faire un serment, prendre en considération le contexte et les circonstances. Donc prendre un attribut, utiliser un attribut qui convient aux circonstances. Et donc nous hier, on avait terminé avec un rappel, hein. On avait fait un rappel concernant la vie de ce prophète qui était Ayyub. Donc du fait qu'il y a eu la mention, hein, de cette parole et de ce serment de Ayyub, alayhi salam, comme le mentionne l'imam al-Bukhari dans ce chapitre. Donc on a saisi l'occasion pour citer certains événements et certains faits, hein, de la vie du prophète Ayyub, et on a parlé de son épreuve à la fin de sa vie, c'est-à-dire cette épreuve donc qu'il a vécue et qu'il avait subie. Et c'était un rappel, et c'est un rappel pour tous les hommes et pour toutes les générations. C'est un exemple de patience. Et donc on avait dit que celui qui veut se rappeler la patience, qui veut se faire un rappel, lisez dans la vie du prophète Ayyub. Donc on va continuer, Inch'Allah. Et donc ensuite, l'imam al-Bukhari mentionne un autre récit. Et قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Ensuite, vous pouvez constater que l'imam al-Bukhari, maintenant, continue, il nous mentionne un autre récit. Donc, après qu'il ait mentionné la chaîne de transmission avec les différents narrateurs, il dit, d'après Abdallah ibn Abbas. Et pour ceux qui aiment étudier et qui aiment observer les chaînes de transmission, vous voyez que celui qui rapporte de Abdallah ibn Abbas, il y a Yahya ibn Ya'mar, et avant lui, Abdallah ibn Buraida. Et ces deux hommes, vous pouvez voir lorsque ceux qui ont étudié le hadith, qui est nommé le hadith de Jibril, alayhi salam, le long hadith, où il y a ce long récit, hein, de la rencontre de Jibril, alors que le prophète ensemble était en compagnie de ses compagnons, et Jibril est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, au sujet de l'iman et au sujet de l'ihsan, c'est-à-dire au sujet de l'islam, au sujet de l'iman, la foi, hein, ou la croyance, et au sujet de l'ihsan qui est l'excellence ou bien la bienfaisance, comme c'est traduit. Et au début du récit, on voit que Abdallah ibn Omar dit que son père, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, lui a raconté ce récit. Et dans la chaîne de transmission, on voit qu'il y avait justement ces hommes qui étaient présents, Abdallah ibn Buraida, et il y avait, c'est-à-dire dans la chaîne de transmission, Abdallah ibn Buraida est présent, et on voit qu'il y a Yahya ibn Ya'mar, ici qui rapporte d'après Abdallah ibn Abbas, et c'est le même qui a rapporté d'après Abdallah ibn Omar, qu'on retrouve dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc révisez, hein, la chaîne de transmission, vous retrouvez dans l'authentique de l'imam Muslim, cette chaîne de transmission qu'a évoqué l'imam Muslim. Et vous retrouvez que ceux qui ont interrogé Abdallah ibn Omar, c'était Yahya ibn Ya'mar. C'est lui qui venait de terre d'Irak et qui venait faire part, alors qu'il a profité d'un voyage pour le pèlerinage ou bien pour une Umrah, alors qu'il était avec l'un de ses compagnons. Ils sont partis se rendre visiter, où ils sont partis avec le but de faire une Umrah ou un pèlerinage et de rendre visite à des compagnons. Et là, ils ont retrouvé Abdallah ibn Omar et l'ont interrogé au sujet de cette doctrine qui commençait à émerger en Irak concernant la négation du destin. Et donc, ils ont fait part de cela à Abdallah ibn Omar. Il y a la célèbre parole de Abdallah ibn Omar qui leur dit « Faites parvenir à ces gens que Abdallah ibn Omar se désavoue d'eux. Il est innocent d'eux. » Et ensuite, la célèbre parole, hein, de Abdallah ibn Omar. Et ensuite, Abdallah ibn Omar va leur faire part de ce récit que lui a rapporté plutôt, et lui a raconté son père, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, le deuxième calife. Et donc, voyez que parmi ces deux hommes qui sont venus se rendre à la Mecque et qui ont rencontré, c'est-à-dire on avait dit, hein, pour faire le pèlerinage, pour accomplir le pèlerinage, ou bien aller dire une Umrah. Ensuite, ils ont rencontré Abdallah ibn Omar, et bien il y avait Yahya ibn Ya'mar. Et donc, de même ici, Yahya ibn Ya'mar, lui ici, il va rapporter de Abdallah ibn Abbas. Donc, Abdallah ibn Abbas faisait partie des compagnons, parmi les compagnons qui étaient érudits, qui étaient savants, parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la référence dans l'exégèse, dans le domaine de l'exégèse du Coran. Donc, il fait partie des grands exégètes et il fait partie des grands interprétateurs du Coran, du fait qu'il a bénéficié de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdallah ibn Abbas était le fils de l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le fils de Al-Abbas. Et Al-Abbas, donc, était l'un des oncles du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et donc, Abdallah ibn Abbas fait partie des quatre Abdallah, parmi les compagnons du prophète, qui étaient jeunes et qui, plus tard, les générations précédentes, hein, eh ben, ont vraiment profité de leur science, et leur science était une nécessité pour les gens. Du fait que lorsque les quatre compagnons qu'on appelle Al-Abadillah, les quatre Abdallah, en l'occurrence Abdallah ibn Umar, Abdallah ibn Zubayr, Abdallah ibn Amr ibn al-As et Abdallah ibn Abbas. Donc vous avez ces quatre Abdallah qui faisaient partie des jeunes compagnons qui plus tard sont devenus de grands savants et parmi les plus grands érudits de la nation musulmane et parmi les plus grands érudits de leur temps. Et ce sont des grandes références. Et de ce fait, de leur temps, ils étaient des références et des exemples. Et lorsque ils étaient d'accord, et leur avis était en accord à leur époque, alors pour les gens, ils disaient les quatre Abdallah sont d'accord et ça faisait office de référence. C'était vraiment un avis, une opinion qui était forte pour les gens de ce temps et de leur époque. Abdallah ibn Abbas nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc dans ce récit que nous rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une invocation: A'udhu bi'izzatika alladhi la ilaha illa ant. Je me réfugie, je cherche protection auprès de ta puissance. Alladhi la ilaha illa ant. Celui dont il n'y a nul adoré véritable si ce n'est lui. C'est-à-dire, la ilaha illa ant, nul adoré, véritable, si ce n'est toi. Alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas. Wal jinn wal insu yamutun. Alors que les djinns et les humains meurent. Donc, dans la traduction de ce récit, on voit que, donc, Abdallah ibn Abbas nous rapporte d'après le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cherché refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il a cherché refuge, c'est-à-dire que le prophète a cherché protection. Donc ici, dans ce hadith, on aura une invocation, une recherche de protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on va apprendre, hein, c'est très important, vous allez voir les enseignements qu'il va y avoir dans ce récit, on va apprendre l'une des manières, par exemple, de rechercher protection auprès d'Allah, de se réfugier auprès du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète, ensemble, dans cette invocation, il va chercher refuge auprès d'Allah et protection en disant A'udhu bi'izzatik. Je cherche protection bi'izzatik par ta puissance. Alladhi la ilaha illa ant. C'est-à-dire celui dont il n'y a nul à adorer si ce n'est toi. Alladhi la yamut wal jinn wal insu yamutun. Donc je vous ai refait la traduction. Hein. J'ai refait la traduction pour bien que vous vous concentrez sur ce hadith. Pourquoi? Parce que maintenant, on va avoir un enseignement qui est très pertinent. Et par rapport au sujet et au thème qu'on est en train d'étudier, vous allez voir le fait que cela convient par rapport aux circonstances et au contexte que l'imam al-Bukhari mentionne ce hadith. Regardez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à présent, ne va pas faire un serment. Dans les questions précédentes, on a parlé de l'autorisation de faire un serment et de jurer par un attribut d'Allah. En l'occurrence, on a appris des textes où il y a l'évocation du serment par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, c'est une recherche de protection, c'est une invocation. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant et en l'invoquant de cette manière, en disant « A'udhu bi'izzatik ». Donc vous avez vu, pour cette recherche de protection, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je cherche protection par ta puissance, par ta gloire, au Seigneur en quelque sorte. » Elle a dit « La ilaha illa ant ». Donc vous avez vu ce hadith que nous rapporte Abdallah ibn Abbas d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est immense, qui renferme des sens immenses, comme on va voir dans les enseignements qu'on va prendre. Donc Abdallah ibn Abbas, comme on l'a dit, hein, dans sa biographie, donc Et c'est ce qu'il faut savoir que c'était le cousin paternel. C'était le cousin aussi paternel du prophète, en somme, du fait qu'on a dit que c'était le fils de l'oncle célèbre du prophète, El-Abbès. Et Abdallah ibn Abbas avait un frère. Il avait un frère qui était célèbre aussi, qui s'appelait El-Fadl. El-Fadl ibn Al-Abbas. Donc son frère aussi était célèbre. Et Abdallah ibn Abbas, comme on a dit, il faisait partie des experts et des jeunes compagnons. C'est pour cela qu'il est rapporté dans sa biographie qu'il est né 3 ans avant l'émigration du prophète. C'est pour vous rendre compte, c'est pour se rendre compte ici de son âge. Abdallah ibn Abbas, donc, est né 3 ans avant l'émigration du prophète, et il va décéder en 68 de l'Hégire. Vous avez vu, il va vivre un certain laps de temps. Et de ce fait, les générations qui vont succéder, c'est-à-dire l'époque, par exemple, de Tabi'in, des successeurs des compagnons, vont profiter du savoir de ce grand compagnon, Abdallah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Donc, comme on a dit, il est décédé en 68 de l'Hégire, dans la ville de Taïf, à la ville de Taïf. Donc, Abdallah ibn Abbas, c'est lui qui nous rapporte ce hadith du prophète, sallam. Maintenant, on va essayer de comprendre le récit, cette invocation qu'a faite le prophète, sallam. Donc, premièrement, vous comprenez bien que dans ce hadith, l'élément illustrant, vous avez vu lorsqu'on dit l'élément illustrant, c'est-à-dire, on veut dire ce qui est en relation avec le thème et le sujet qu'on étudie. Donc, ce qui est en relation et ce qui nous intéresse en quelque sorte, hein, tout nous intéresse dans le récit, puisque c'est des enseignements du prophète, mais vraiment ce qui est en relation avec le thème et le sujet qu'on est en train d'étudier dans ce chapitre, c'est le début de cette invocation du prophète sallam qui nous est précieuse, hein, où le prophète dit A'udhu bi'izzatik. A'udhu bi'izzatik. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans les textes précédents, on avait des preuves et on a étudié la question concernant le serment par Al-Izzah d'une manière plus particulière et d'une manière plus générale, la permission par les attributs d'Allah de faire des serments. Et maintenant, la recherche de protection près d'Allah et d'utiliser l'attribut. Fa'athbata lillahi l'Izzah. Premièrement, donc, le prophète sallam, dans ce hadith, confirme Al-Izzah. Donc, la gloire et la puissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a la confirmation, hein, concernant l'attribut de Al-Izzah. Donc, vous avez vu, maintenant, on peut rester sur le terme en arabe, du fait qu'on a passé un long moment à travers ces assises pour expliquer Al-Izzah. Wa sabaqa lana an Al-Izzah thalathat aqsam. Et Cheikh, ici, ensuite, dans son commentaire, Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit, et parmi les enseignements qu'on précédait, on avait étudié dans les premiers cours concernant l'attribut de l'Aïza qu'il se divisait en trois catégories. Donc, il nous avait mentionné, Cheikh Ibn Uthaymeen, trois catégories de l'Aïza pour se rafraîchir la mémoire en guise de révision. Il nous avait dit l'Aïza al-Qahr, l'Aïza al-Ghalaba, l'Aïza al-Imtina, l'Aïza al-Imtina. Vous vous en rappelez, hein? On avait dit l'Aïza al-Qadr, Izzatul Qadr, ou Izzatul Qahr, dans le sens El Ghalaba, ou Izzatul Imtina. Maintenant, ce qui concerne le terme A'udhu. A'udhu, au début du récit, donc au début de l'invocation du prophète, sallam. Donc le prophète a dit A'udhu. Quel est le sens de A'udhu? Et voyez, par exemple, dans les sourates qu'on a étudiées dans le chapitre précédent, la sourate Al-Falaq, ou la sourate An-Nas, la sourate des hommes, il y a une recherche de protection. C'est pour cela qu'on a dit que ces sourates-là, on les appelle des sourates qui sont protectrices. Al-Mu'awwidhatan. Elles sont protectrices. Pourquoi? Parce qu'il y a une recherche de protection. Et Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il les a révélées au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit au prophète, lui a ordonné, donc il y a un impératif, il lui dit, Qul, dis. Et ensuite, dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Pour ça, cette sourate, par exemple, la dernière des sourates, la 114e sourate, ça peut être la sourate des hommes, comme on a appris dans ce qui a précédé. Et ça, c'est très important à s'en rappeler. Pourquoi? Parce que dans cette sourate, il y a la manière de rechercher la protection près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Allah Jalla wa Ala a enseigné au prophète la manière de rechercher la protection auprès de lui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est valable pour toute la communauté et toute la nation. Et d'où l'importance maintenant de comprendre le terme lorsqu'on dit A'udhu. A'udhu, le shir ici va nous expliquer que c'est A'tasimu. A'tasimu. Wa yuqal A'udhu. Wa alouzu. Wa alouzu. Donc, regardez là. Le sens c'est Udhu, c'est le fait de rechercher protection, comme on l'a dit précédemment, mais c'est dans le sens de rechercher refuge. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est se réfugier. Se réfugier. D'où le terme, hein, Cheikh Al-Athaymine nous l'explique ici par le terme en arabe, A'tasimu. Donc, lorsque vous dites, par exemple, A'udhu, ici, le prophète, dans le récit, il a dit, Bi'izzatillah, par exemple, Bi'izzatik, je cherche protection auprès d'Allah, hein, par ta puissance, oh Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens, A'tasimu, je me réfugie. Donc, on se réfugie auprès du grand protecteur qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il y a le terme, il y a un terme qui ressemble à A'udhu, sauf que c'est pas Bil'ain, c'est Bil'am, Bil'am, A'udhu, nous cite Cheikh Al-Athaymin. On a un terme qui a, lorsqu'on dit A'udhu, ouais, A'udhu, il faut faire bien la distinction entre les deux termes. Et Cheikh ici va nous expliquer une bonne petite précision, un élément subtil ici, lorsqu'on dit A'udhu et lorsqu'on peut dire aussi A'lu, A'udhu. Avec alam. Sauf qu'entre les deux, il y a une différence. Entre les deux, il y a une différence. Aloudou bi alam, avec le la, comme vous entendez, c'est fi talabil mahboub. Fi talabil mahboub. Ça, c'est le fait de revenir à Allah pour demander une chose qu'on désire et qu'on aime. Ça, c'est lorsqu'il y a la demande d'une chose qu'on désire et qu'on aime. Donc, Al-liyadh fi talab al-mahboub. Quand on dit al-udhu avec al-lam, c'est qu'on revient vers Allah Jalla wa Ala en lui demandant une chose qu'on désire et qu'on aime. Tandis que a'udhu bil-ayn, al-iyadh, si vous voulez, al-iyadh, ici c'est dans le sens de al-iltija min al-marhoub. Là c'est le fait de se réfugier auprès d'Allah et de chercher protection auprès d'Allah contre une chose dont on craint. Une chose qu'on craint, dont on a une appréhension et une crainte. Et une peur. Et pour cela ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen va nous citer des vers en arabe qui prouvent cela et qui expliquent les deux sens. Le sens du terme « al-udhu » et le sens du terme « a'udhu ». On continue. Mas'ala maintenant. Maintenant une question très importante. Si on a compris maintenant le sens de A'udhu. Et donc on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, dans cette invocation, il fait ce qu'on appelle en arabe Al-Isti'ada. Al-Isti'ada. Al-Isti'ada tout, dans la religion, quel est le sens en arabe? Al-Isti'ada tout, c'est, comme on l'a dit précédemment, c'est la demande de protection. Donc ici, on a une question très importante que Cheikh va nous enseigner, qu'on va apprendre. Maintenant, c'est la demande de protection par un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cela est permis. Et la preuve à cela, comme par exemple dans ce hadith. Comme dans ce hadith. Donc on a une preuve qu'on a le droit de rechercher protection, de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer par le biais, on pourrait dire aussi par l'intermédiaire de l'un de ses attributs. Donc comprenez bien cela, comprenez bien ces termes. Donc on peut invoquer Allah Jalla wa Ala et donc rechercher protection et se réfugier auprès de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala en utilisant par le biais ou par l'intermédiaire de l'un de ses attributs. Donc cela est autorisé et les preuves elles sont multiples. Et parmi ces preuves-là, le hadith qu'on est en train d'étudier, le hadith de Abdallah ibn Abbas. Le hadith de Abdallah ibn Abbas qui nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a cherché le refuge et a demandé protection à Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, par le biais de sa puissance. Bi'izzatika alladhi la ilaha illa ant. Et donc, ça, c'est très important de bien le comprendre. Et Cheikh Ibn Uthaymeen souligne bien cela. Et lorsqu'on a compris cela, maintenant, il faut faire la distinction et comprendre la différence qu'il y a avec une autre question. Il y a une autre question. La question suivante, maintenant, dont il faut bien comprendre la différence qu'il y a avec le fait de demander protection, de rechercher protection et refuge, c'est le fait d'invoquer, maintenant. Lorsqu'on dit qu'on cherche refuge auprès d'Allah, par le biais de l'un de ses attributs, ça ne veut pas dire qu'on invoque l'attribut. Donc, invoquer la tribu est interdit. Donc, il faut bien faire la distinction. On n'invoque pas la tribu, mais on invoque Allah, Jalla wa Ala, recherche protection auprès d'Allah par le biais. Par le biais, par l'intermédiaire, si vous voulez, d'un attribut parmi ces attributs. En l'occurrence, ici, regardez là, ce qui convient au contexte, c'est que le fait qu'on recherche protection, donc on recherche protection contre le Tout-Puissant, contre celui qui peut accorder protection, contre le détenteur de tout pouvoir, celui qui détient le pouvoir absolu, donc celui qui peut protéger. Donc on se réfugie auprès de celui qui accorde refuge et qui est le grand protecteur, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces circonstances-là, donc il est bon, il est louable, donc d'invoquer Allah, de chercher refuge auprès de lui par le biais de, par exemple, cet attribut qui convient avec les circonstances, l'attribut de la puissance. Pour cela, regardez, c'est très pertinent ce qu'on apprend là. Et regardez le prophète, lorsqu'il a recherché protection auprès d'Allah, il a dit, A'udhu bi'izzatik, je cherche protection auprès de là par le biais de ta puissance. A'udhu bi'izzatika. Sauf qu'il y a une différence ici lorsqu'on invoque directement l'attribut. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Al-Thaymin ici insiste bien sur cela. Il fait la distinction lorsqu'on recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa puissance, par exemple. Lorsqu'on dit je me réfugie par ta puissance, ou bien on pourrait traduire par je cherche refuge et protection auprès de ta puissance. Lorsqu'on cherche protection et on demande la protection d'Allah par le biais d'un attribut, de l'un de ses attributs, donc c'est par le biais, comme on a dit, par l'intermédiaire, ce n'est pas implorer l'attribut en lui-même. C'est pour ça que Cheikh Ibn Al-Thaymin va dire Al-Farq an-alladhi yasta'idh bi sifatin min sifatillah ja'ala hadhihi sifa wasila. Wal-maqsoud al-isti'adha billahi nafsi. Amma man da'aha fa huwa yaqul ya 'izzat Allah a'idhini. فوجه الدعاء لا وحدها يا مغفرة الله اغفر لي مثلا اغفري لي بخلاف أسألك بمغفرتك أن تغفر لي. Et donc, Cheikh Ibn Al-Thaymin nous donne des exemples ici. Il dit donc, lorsque on prend l'attribut comme intermédiaire, c'est Allah qu'on invoque. Sauf qu'on a pris comme intermédiaire, par le moyen de ces attributs, on l'a invoqué directement. Par contre, lorsqu'on dit, par exemple, lorsqu'on dit Amma man da'aha fahuwa yaqul. Par contre, celui qui invoque l'attribut, et il dit Ya izzat Allah, ô puissance d'Allah, protège-moi. Vous voyez la différence? Là, lorsqu'on dit ô puissance d'Allah, protège-moi. Lorsqu'on dit cela, là, on a invoqué l'attribut. Donc là, il y a une différence. Lorsqu'on prend l'attribut comme intermédiaire, et lorsqu'on invoque directement l'attribut. Invoquer directement l'attribut, comme on l'a dit précédemment, cela est interdit. Donc, son invocation, il l'a orientée vers l'attribut. Tandis que lorsqu'on recherche protection par l'attribut, c'est-à-dire par l'intermédiaire, l'invocation, elle est vouée à Allah. C'est Allah qu'on invoque. Voilà la différence ici que nous donne et que nous explique Cheikh Ibn Al-Thaymin. Il dit par exemple la demande de pardon. Par exemple, si on dit Ya maghfirat Allahi, irfiri li, ô pardon d'Allah. Donc là, on a le pardon d'Allah. Ô pardon d'Allah, pardonne-moi. Là, on invoque le pardon. Par contre, ce qu'il faut demander, c'est à Allah, Jalla wa Ala. Ô Allah, pardonne-moi. Donc si par exemple, on dit Ya maghfirat Allahi, irfiri li, ô pardon d'Allah, pardonne-moi, cela n'est pas permis. Par contre, on peut dire, regardez, en prenant cet intermédiaire, l'attribut comme intermédiaire, par contre, on peut dire, ô Allah, je te demande par ton pardon. Regardez la différence. Par ton pardon, par le moyen, par l'intermédiaire de ton pardon, que tu me pardonnes. Vous avez vu la différence qu'il y a entre les deux que souligne bien Cheikh Ibn Al-Thaymin. Il dit de même, c'est comme dans un autre hadith qui nous est rapporté du prophète, il y a un autre dora qui est rapporté, où le prophète, c'est un dora qui est célèbre, lorsque le prophète dit « Berahmatika astaghith, a'udhu biradak min sakhatik. » Par exemple, Minsachatik. Le prophète, par exemple, lorsqu'il dit, par ta miséricorde, Estarith, je recherche protection. Donc je recherche protection près de toi par ta miséricorde. Regardez dans ce doha, le prophète dit, Birahmatika Estarith. Birahmatika Estarith. C'est-à-dire, il recherche secours auprès d'Allah par sa miséricorde. Donc il dit, Birahmatika, par sa miséricorde, par ta miséricorde plutôt, Estarith, je recherche secours. A'udhu biridak, a'udhu, regardez, je recherche la protection, je me réfugie, biridak min sakhatik. Donc vous avez pu remarquer que dans ces deux invocations-là qu'on a mentionnées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la première aussi bien une recherche, une demande de secours, et dans la deuxième, une demande de protection. Pourquoi? Parce que Estarith, c'est al-istiratha, ou al-istiratha, en arabe, c'est la demande de secours. Et la deuxième, a'udhu, c'est l'istiratha, comme on a dit, ça, c'est la demande de protection. Donc, on comprend que ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que la demande de protection et la demande de secours font partie des adorations. Donc, ce sont des adorations par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il est dit, Birahmatika Estarif, ici, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen fait allusion à ce doha qui est célèbre. À ce doha qui est célèbre lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté, c'est le hadith de Anas ibn Malik, qui rapporte que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était affligé, il était touché par une chose, alors il disait, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Estarif. Et ce hadith, il est jugé bon par Cheikh Al-Imam Al-Albani, rahimahullah. Donc il est rapporté par l'imam Tirmidhi. Et donc dans ce récit, le prophète, donc lorsqu'il était affligé, touché par une chose, il disait, Ya Hayyu. Al-Hayy, c'est le vivant. Donc il appelait Allah, il invoquait Allah en disant, ô toi le vivant, Al-Qayyum, birahmatika astarith. Par ta miséricorde, je recherche ton secours. Vous avez vu, par le biais de, et par l'intermédiaire, par le moyen de la miséricorde d'Allah, il cherchait le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça nous est enseigné par le prophète, et c'est une manière de faire qui est autorisée, légiférée, et qui fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a la deuxième invocation, où là, on a une demande de protection. Cet exemple que nous donne Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, « A'udhu bi ridak min sakhatik », par exemple. Et ce hadith, il est célèbre, hein? C'est un hadith qui est célèbre, qui est rapporté par l'imam Muslim, qui est rapporté par l'imam Muslim. Et c'est en l'occurrence, c'est le célèbre hadith de Aïcha lorsqu'elle dit que dans une nuit, elle cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de sa main, puisqu'il faisait, c'était la nuit, de sa main. Donc ensuite, elle essayait de trouver avec sa main, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle essayait de sa main de trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'elle a étendu sa main, donc elle a touché les pieds du prophète, alayhi salat wa salam, il est dit, batni qadamay, wa huwa fil masjid, el nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la mosquée, il était dans la mosquée, et là, elle entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, Allahumma inni a'udhu bi ridak min sakhatik. Et là, le prophète disait cela, ô Seigneur, je me réfugie de ta satisfaction contre ta colère, de ton pardon contre ton châtiment. Donc, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je me réfugie de ta satisfaction contre ta colère, de ton pardon contre ton châtiment. Jusqu'à la fin du doha, le prophète sallam disait, Wa a'udhu bika mink, la uhsi thana'an 'alayk, anta kama athnayta 'ala nafsik. Donc le hadith est célèbre. Donc dans ces invocations, le prophète sallam nous apprend aussi de chercher secours auprès de lui par le biais de l'un de ses attributs ou de chercher protection par le biais de l'un de ses attributs. Al-Jawab. Et aussi, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen va dire, il va nous dire Al-Maqsoud, ce qui est voulu donc dans ces invocations qu'on vient d'apprendre, Al-Maqsoud bidhalika annahu likawnika rahiman astaghithu bika. Pourquoi le prophète a demandé secours auprès d'Allah par sa miséricorde? Ce qu'il faut comprendre, regardez, c'est très pertinent ce que nous explique Cheikh ici, il nous dit Al-Maqsoud, ce qui est voulu bidhalika annahu likawnika rahiman astaghithu bika. Du fait qu'Allah est le tout miséricordieux, alors le prophète, c'est comme s'il disait, du fait que tu es le tout miséricordieux, je cherche refuge et secours auprès de toi. Faja'ala rahma wasila. Donc le prophète a utilisé la miséricorde d'Allah comme moyen. La anna Ar-Rahmata shay mustaqillun 'anillahi yustaghathu bih. Mais ce n'est pas dans le sens que la miséricorde d'Allah serait quelque chose d'indépendant au Seigneur subhanahu wa ta'ala, fayustaghathu bihim, et du fait on va chercher la protection et le secours auprès de la miséricorde. C'est pas ça le sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on recherche secours auprès d'Allah par la miséricorde, par l'intermédiaire et par le moyen tout simplement de la miséricorde. Fa qulna, par exemple, si on dirait ya rahmatallahi arithini, par exemple, si on dirait ya rahmatallahi arithini, ô miséricorde d'Allah, accorde-moi secours, alors ça serait pas permis de le dire de cette manière. Ça serait pas permis. Pourquoi? Parce que là on invoque directement la miséricorde. Ya rahmatallahi arithini qulna hadha la yajuz. Donc cheikh il dit cela n'est pas autorisé. لأنك الآن جعلت الرحمة مستقلة تدعى من دون الله جل وعلا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق. إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق لأنه يتضمن أنك جعلت الصفة شيئا مستقلا قائما بنفسه وهذا هو الشرك. Et de ce fait, cher Ibn Athaymin, il dit pourquoi? Parce que si tu demandes de cette manière en disant « Ô miséricorde d'Allah, accorde-moi secours », il dit « C'est comme si tu fais de la miséricorde d'Allah quelque chose d'indépendant qu'on invoque en dehors d'Allah, qu'on invoquerait en dehors d'Allah ». Et il dit de ce fait, « قال شيخ الإسلام, le grand shir de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait « Invoquer l'intribut directement » est une mécréance. Et cela par l'accord des savants. Il y a un ittifaq, il y a un accord chez les savants. Les savants sont d'accord pour dire que du'a as-sifa kufrun bil ittifaq. C'est une forme de mécréance. Invoquer l'attribut lui-même, c'est une forme de mécréance bil ittifaq. Li'annahu yatadammanu annaka ja'alta as-sifata shay'an mustaqillan qa'iman bi nafsi. Parce que cela sous-entendrait que tu as fait de l'attribut quelque chose d'indépendant qu'on pourrait invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hada huwa ash-shirk. Et il dit cela fait partie des formes de polythéisme. Thumma qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ensuite l'Imam al-Bukhari continue, donc on va continuer inchallah sur l'étude des récits qu'a compilé et recueilli l'Imam al-Bukhari, qu'il a recensé et classifié dans ce chapitre. Ensuite l'Imam al-Bukhari a dit, قال البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرامي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يلقى في النار وقال لي خليفة حدثنا يزيد ابن زريعة حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حا وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيمسكها فيسكنهم فضل الجنة. Donc maintenant on a un autre récit que nous rapporte l'imam al-Bukhari. Donc comme à son habitude, après qu'il nous ait mentionné et cité la chaîne des narrateurs et des transmetteurs, ensuite il nous dit d'après Anas ibn Malik. Donc à la fin de la chaîne de transmission, c'est Qatada qui rapporte d'après Anas ibn Malik. Et Qatada ibn Di'ama fait partie des grands successeurs, hein, ceux qui ont accompagné les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam. Il fait partie des grands imams de sa génération. Il fait partie de ceux dont les chaînes de transmission tournent autour de lui. En l'occurrence, Qatada rapporté d'après les compagnons et d'après Anas ibn Malik. D'après Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala an. Et lui, il est rapporté qu'il est né en 61 de l'Hégire. Fa Qatada, celui qui rapporte de compagnons, Il est né en 61 de l'Égir et il est décédé en 118 de l'Égir. Et en l'occurrence, Qatada est mort de Tarun, de la peste. Donc il est décédé alors qu'il y avait eu la peste à son époque. Et donc il est mort de Tarun. Et c'était un grand érudit, un grand imam fil hadith. Et il était connu pour la science du tafsir, de l'exégèse du Coran. Et il était connu aussi d'être une référence dans la science de la linguistique arabe, de la langue arabe. Et donc, Qatada, il rapporte d'après le compagnon Anas ibn Malik, que Anas nous dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La yazalu yulqa fiha » L'enfer ne cessera d'être rempli et dira « Y en a-t-il encore » jusqu'à ce qu'Allah, jalla wa ala, le Seigneur de l'univers, mette son pied. Alors l'enfer va se replier sur lui-même. L'enfer va se replier sur lui-même. C'est la traduction Fayen Zawi Bardoha ila Bard. C'est une traduction approximative et rapprochée du sens. Thumma taqul qad qad bi izzatika wa karamik. Ensuite, l'enfer dira, lorsqu'elle va se replier, et lorsqu'il va se replier sur lui-même, l'enfer dira, cela suffit, par ta puissance et ta générosité. Donc l'enfer s'adressera à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète nous enseigne et nous dit que l'enfer dira qad qad bi izzatika wa karamik. Par ta puissance et ta générosité. Wala tazal al-jannatu. Vous avez vu, l'enfer dira ça suffit par ta puissance et ta générosité. Ensuite le prophète dit wala tazal al-jannatu tafdulu hatta yunshi Allahu laha khalqan fayuskinahum fadl al-jannah. Et ensuite, le prophète nous informe au sujet du paradis. Et il restera de la place, par contre, au paradis. Jusqu'à ce qu'Allah, Jalla wa'ala, crée pour lui, c'est-à-dire pour le paradis, d'autres créatures et les fasse habiter dans ce qui reste comme place dans le paradis. Voilà, ça c'est le hadith que nous mentionne et a recueilli l'imam al-Bukhari, qu'il mentionne ici dans ce chapitre. Dans l'explication, Cheikh Ibn revient sur les termes qui sont mentionnés dans le récit, et c'est très important aussi pour bien comprendre. Donc, premièrement, donc, le prophète sallam, nous dit que, alors que l'enfer ne cessera d'être rempli, donc l'enfer va se remplir, alors l'enfer dira Hel min mazid. Hel min mazid. Et Cheikh Ibn Athaymine ici va se concentrer sur le Hel, cette particule ici. Si vous voulez, cette particule en arabe, Hel, elle dénote la forme interrogative. Donc, c'est pour ce qu'on appelle en arabe l'istifham. Donc, elle va dénoter ici la forme interrogative, donc lorsqu'il y a une question et une interrogation. Sauf que Cheikh Ibn Athaymine ici va se concentrer ici pour le sens. Et ça, c'est important aussi même pour ensuite bien comprendre le récit et la traduction. Donc, il dit, on a hel en arabe min mazid. Donc, l'interrogation, ça serait, est-ce qu'il y a du rajout en termes littéral, hein, d'une traduction littérale, si on voudrait traduire littéralement? On traduirait cela. Min mazid, chéri dit, ça serait le mubtada, donc ça serait le sujet. Ça serait le sujet. Il dit, chez les savants, il y a deux compréhensions. Lorsqu'il est dit hel min mazid, ça peut être dans le sens de la négation, comme ça peut sous-entendre l'interrogation. Donc vous avez vu, selon la compréhension de la particule ici, soit elle sous-entend at-talab, soit elle sous-entend al-nafi, comme il dit. Donc, dans cette forme interrogative, si on comprend cette formulation comme elle est dite, avec min mazid qui serait le sujet, et ensuite le min, donc min mazid, serait zaïda, l'afdad zaïda, ma'na anna hada l'istifham, hel huwa li talab ou li nafi. Cheikh Ibn Athaymine, donc il dit, si on considère que ça sous-entend et ça dénote une négation, anna al-ma'na la mazida ala ma'indi. Le sens, ça serait que l'enfer dit va nier un rajout, va nier un rajout, c'est-à-dire annaha qadim tala'at, c'est-à-dire que ça y est, l'enfer est rempli, l'enfer est rempli, donc il y aura une négation. Par contre, si on considère que c'est le talab, donc là c'est vraiment une forme interrogative, ça serait dans le sens de het zid en arabe, donc là ça serait dans le sens comme on l'a traduit, ça sera hel min mazid, est-ce qu'il y a du rajout. encore. Et là, le sens, ça serait pas que l'enfer dira qu'elle est remplie. Donc, si c'est la forme de la négation, elle veut pas de rajout. Mais là, ça sera l'inverse. Ça serait l'inverse. C'est pour cela qu'on le traduirait que l'enfer dira Hel min mazid. Et on a même un verset dans la sourate Qaf qui dit cela. Et donc, Shir dit, ce qui est le plus juste et le plus plausible, c'est le deuxième sens, que ça serait dans le sens de l'interrogation, dans le sens de la demande, que l'enfer demande rajout, et elle demande ziyada. Et là, Allah Jalla wa Ala nous a dit dans le récit qu'ensuite il posera son pied. Donc, hatta yada'a fiha rabbul alamin qadama, fayanzawi ba'duha ila ba'd. Jusqu'à ce qu'Allah ensuite va poser son pied sur l'enfer et l'enfer va se replier sur lui-même. Et l'enfer dira bi'izzatika wa karamik, par ta puissance et ta générosité. Et ça, c'est un élément illustrant. Vous voyez, regardez, on a dans ce récit, et on a dit que lorsqu'on avait cité au début du chapitre, on avait cité un hadith concernant la parole de l'enfer, lorsque l'enfer dira ça suffit, ça suffit. Et on a dit qu'on verra le hadith plus dans sa complétude, dans ce qui va suivre. Et bien là, on est arrivé au moment où l'imam al-Bukhari cite le hadith dans sa complétude, où l'enfer justement va dire bi'izzatika wa karamik, va s'adresser à Allah en disant par ta gloire et ta générosité. Yani anna an-nar tatawassal ila Allahi bi'izzatihi wa karamihi. Ala yada'a 'alayha qadama akthar mimma wada'a. Akthar mimma wada'a. Lorsque Allah Jalla wa Ala a mis son pied, alors là l'enfer a dit ça suffit, ça suffit. Et le fait qu'elle s'est repliée sur elle-même, hein, si vous voulez, hein, en arabe, ça serait au féminin, en français, l'enfer est au masculin, donc on dirait il s'est replié sur lui-même, mais vous avez vu, en arabe, on dit, Wayanzawi bardoha ila bard, bardoha ila bard. Donc si je traduis littéralement, et elle s'est repliée sur elle-même. Pourquoi? Parce que le fait qu'Allah Jalla wa Ala ait mis son pied dans l'enfer, ce n'était pas quelque chose de hayyin, d'aisé et de simple pour l'enfer. C'est quelque chose d'immense. Et donc, l'enfer a dit, Qad, Qad. On avait vu dans l'autre version du récit qu'on a mentionné au début du chapitre, Qad, Qad. Et ensuite, l'enfer dit, Bi'izzatik wa karamik. Par ta gloire et ta générosité. فتوسلت بالعزة التي بها القهر والكرم الذي به الفضل ألا يضع قدم عليها ألا يضع قدمه عليها. Et donc ensuite, l'enfer a voulu invoquer Allah Jalla wa Ala. Et cela par le biais de sa puissance, donc de l'attribut de la puissance, mais aussi de l'attribut d'Al-Karam, de la générosité. Donc l'enfer a pris comme intermédiaire la puissance d'Allah Jalla wa Ala, ici qui dénote sa domination, subhanahu wa ta'ala, et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit par ta générosité, qui dénote le mérite d'Allah, sa générosité dénote al-fadl, les grâces, si vous voulez, d'Allah. Pour qu'Allah Jalla wa Ala, Allah yada'a qadamah alayha, pour pas qu'Allah Jalla wa Ala mette son pied dans l'enfer, sur elle, si vous voulez. Et donc, l'enfer implore Allah, par le biais de ses deux attributs, par le biais de sa puissance, subhanahu wa ta'ala, de sa gloire, car ça sous-entend, comme on l'a dit précédemment, la domination, et par le biais de sa générosité. Voilà ce que nous explique Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Donc, c'est très pertinent. Donc, vous avez dans ce récit ce qu'on apprend, alors que l'enfer voulait un rajout, elle voulait que. L'enfer n'était pas rempli, donc elle voulait un rajout. Alors Allah Jalla wa Ala, il est dit dans ce récit qu'il a mis son pied. Et c'est quelque chose, donc, tellement la grandeur d'Allah, la majesté d'Allah, l'immensité d'Allah, c'est quelque chose que notre conception est limitée. On ne peut pas concevoir tellement c'est immense et tellement Allah Jalla wa Ala et le magnifique Allah Jalla wa Ala et le grand Subhanahu wa Ta'ala. L'enfer n'a pas pu supporter cela. Tellement que c'est quelque chose qui n'est pas, comme dit Shir, hayyin en arabe, c'est quelque chose qui n'était pas simple à supporter pour l'enfer. Et elle dit, Qad, Qad, ça suffit, et ensuite elle va demander à Allah, Jalla wa Ala, va implorer Allah, l'enfer, par le biais de sa puissance et par le biais de sa générosité. Et aussi, Cheikh Ibn Uthaymeen nous enseigne un autre enseignement qu'on peut tirer de ce récit, c'est qu'on a l'affirmation, à travers ce récit, de la tribu qui est la tribu du pied. Donc, on a l'affirmation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui est plus savant que le prophète au sujet du Seigneur dans cette communauté et parmi les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus savant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith authentique. Et il nous dit donc qu'Allah, jalla wa ala, a posé son pied dans l'enfer. Ce qui confirme un attribut parmi les attributs d'Allah, ce qu'on appelle l'attribut du pied. Sauf toujours avec la même règle, c'est que on ne peut pas, comme vous le savez parmi les règles ici pour l'affirmation d'un attribut, on ne peut pas nier l'attribut puisqu'il est mentionné dans un texte authentique. Donc il faut y croire, l'affirmer, sans chercher le comment et sans chercher à faire de la comparaison, de l'anthropomorphisme, sans chercher à dénaturer, à falsifier. Donc premièrement, avec ces quatre conditions, on ne peut pas nier, puisque c'est affirmé dans le texte de manière authentique, on ne peut pas falsifier aussi bien l'énoncé que le sens, deuxièmement. Troisièmement, on ne peut pas chercher le comment, puisque notre conception est limitée, et on n'a pas droit de chercher le comment. Et quatrièmement, on ne fait pas d'assimilation, on ne cherche pas à faire de la comparaison, puisqu'Allah, Jalla wa Ala, n'est pas comparable. Donc cet attribut, on l'affirme, comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il sied à sa majesté et sa grandeur et sa magnificence, sans chercher le comment de cela. Il est mentionné cela dans le texte. On se comporte comme les compagnons du prophète sallam se sont comportés à l'époque. Ils entendaient, ils écoutaient les textes et la révélation, et ils comprenaient, comme c'était mentionné dans les textes, d'une langue arabe claire, évidente et explicite, sans chercher ensuite le comment de l'attribut. Donc il nous est confirmé un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le comment, on ne sait pas. Et Allah n'est pas comparable. Donc c'est un pied qu'il convient à sa majesté, comme il convient à sa magnificence, subhanahu wa ta'ala, mais en aucun cas cela est comparable à l'attribut de l'être humain. Allah n'est en aucun cas comparable. Rien ne lui est égal ou bien semblable, subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, vous voyez que ça fait partie des enseignements qu'on apprend à travers l'étude de ces hadiths qu'a mentionné l'auteur, l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Donc on a vu que dans ce chapitre, donc on a étudié différentes questions qui étaient sous-entendues dans ces récits. Par exemple, donc on a appris la manière de faire des serments, le fait de jurer par les attributs d'Allah. On a appris la différence qu'il y a, le fait de prendre les attributs d'Allah pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire et comme moyen pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala directement, et le fait d'invoquer l'attribut en lui-même, la différence qu'il y a entre ces deux choses. Donc on a appris aussi des règles concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut garder à l'esprit et en tête, ce qui est très important ici, c'est ce que dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari nous enseigne ici, le nom Al-Aziz ou Al-Hakim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui détient la puissance totale et absolue, et qui détient le pouvoir absolu sur ses créatures. Et c'est lui qui est le régisseur de cet univers. Et il régit cet univers avec une sagesse infinie. Et c'est pour cela que ce qu'il faut garder vraiment à l'esprit, c'est la puissance immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela permet aux croyants de rechercher refuge auprès de lui. C'est pour ça que c'était très important qu'on parle de la demande de protection, la demande de secours. Celui qui veut chercher refuge, se réfugier et demander la protection, qui la demande auprès du Tout-Puissant. Et ça fait partie des bénéfices et des profits qu'on a appris dans ce chapitre. Lorsqu'on a su qu'Allah Jalla wa Ala est le Tout-Puissant, ça nous permet aussi de savoir qu'il faut rechercher, et ça nous mène vers cette recherche de protection auprès du Tout-Puissant. Et en l'occurrence ici, on a appris le fait de rechercher protection auprès d'Allah par son attribut qui est la puissance, demander à Allah Jalla wa Ala par sa gloire et par sa puissance, comme on a pu apprendre dans ces textes. Donc c'était vraiment judicieux que l'imam al-Bukhari, l'auteur, cite ces hadiths. Il y avait de grands enseignements. Aussi, par exemple, on a parlé hier parmi les enseignements lorsque l'imam al-Bukhari a mentionné le serment du prophète Ayyub, alayhi salam, et on avait mentionné l'histoire de Ayyub. Aussi, à travers cette histoire, il y a de nombreux enseignements à tirer. Par exemple, hier, on n'a pas eu vraiment le temps de mentionner les enseignements et les profits qu'on tire, hein, de l'histoire de Ayyub, mais il y a de nombreux enseignements. Parmi les enseignements et les profits à tirer de cela, il faut bien faire la distinction entre deux formes d'épreuves. Entre deux formes d'épreuves. Il y a une catégorie d'épreuves qui sont des épreuves qu'on appelle des épreuves purificatrices. Des épreuves qui sont purificatrices et qui élèvent en degré. Donc Allah Jalla wa Ala, il peut éprouver des êtres qu'il aime. Et lorsqu'il aime, Allah Jalla wa Ala, il éprouve, comme on avait mentionné dans le hadith, « Ida ahabba Allah qawman ibtala » Lorsqu'Allah aime un peuple, il va les éprouver. Mais cette épreuve, c'est une épreuve qui va résulter, il va résulter plutôt de cette épreuve, l'élévation en degré auprès d'Allah, la purification, l'expiation de fautes et de péchés. Donc c'est un bien pour le serviteur. Et Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il éprouve ce serviteur de cette manière et que c'est une épreuve qui élève en degré, ce n'est pas une épreuve de punition, liée à une punition. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Maintenant, il y a des épreuves qui sont punitions. C'est la punition d'Allah, Jalla wa Ala, à cause des fautes et des péchés qu'a commis cette personne et ce serviteur. Donc Allah, Jalla wa Ala, peut le punir. Donc faites la distinction entre ces deux formes d'épreuves. L'épreuve qui en réalité n'est pas une punition, mais elle est purificatrice et elle va élever la personne en degré et en rang le jour de la rétribution. Et l'épreuve qui est Enaram, c'est une épreuve de punition, liée à une punition. C'est une sentence. Et faire la distinction, regardez par exemple, lorsqu'on a parlé de l'histoire de Ayyub, Ayyub ce n'était pas l'Uquba, ce qu'on appelle l'Uquba. Mais Ayyub, Allah subhanahu wa ta'ala, a éprouvé Ayyub et l'a élevé en degré. Pourquoi? Parce que comme on avait dit dans le récit, Allah jalla wa ala éprouve ses serviteurs et ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ashadul Bala, les prophètes ensuite, ceux qui les suivent dans cela. Et on avait dit, plus la personne dans le récit, il est dit, plus la personne a une foi élevée, plus elle sera éprouvée. Et ça, c'est pas lié à une punition. Mais c'est des épreuves qui sont, comme on dit, purificatrices et qui élèvent la personne en rang. Tandis qu'il y a une deuxième catégorie d'épreuves, comme on a dit, c'est la punition. Donc il y en a qui sont punis. Donc, ensuite, il y a des signes pour distinguer entre les deux. Lorsqu'on est éprouvé, mais Allah Jalla wa Ala, c'est une épreuve pour nous élever en rang et c'est un bien pour la personne en réalité derrière. Et lorsque c'est une épreuve, ou en réalité c'est une sentence, c'est une punition. La personne, il est puni à cause de ses agissements. Donc on peut différencier entre les deux. Il y a des signes, comme les savants nous disent. Mais l'important, comme certains savants disent et nous enseignent, ils disent l'important, c'est que lorsque la personne elle est éprouvée, c'est qu'elle patiente et qu'elle endure et qu'elle, à travers cette patience-là, elle recherche à revenir vers Allah, subhanahu wa ta'ala, repentant. Et puis qu'elle recherche la rétribution et la récompense d'Allah à travers cette patience-là. C'est ça qui est important. Donc lorsqu'on est éprouvé, ce qu'il faut, c'est patienter. Ce qu'il faut, c'est espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, bien sûr, il y a des signes pour différencier entre les deux. Par exemple, certains savants nous expliquent que si la personne, elle était, par exemple, dans l'obéissance à Allah et la personne observait les obligations d'Allah et s'écartait des interdits d'Allah, donc c'était une personne qui était pieuse et vertueuse, alors ça c'est les signes qui font que lorsqu'elle est éprouvée, c'est une épreuve pour l'élever en rang. Donc c'est un bien, quoi qu'il arrive. Par contre, si c'était une personne qui était dans la désobéissance à Allah, une personne qui désobéissait et qui était éloignée du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des signes qui font que ça peut être une épreuve de punition et que cette personne est punie. Vous avez vu, on peut faire la distinction entre les deux par des signes. Regardez, et ça nous permet, par exemple, lorsqu'on lit dans l'histoire, ça vous permet d'avoir une bonne approche et un bon regard à travers l'étude de différents faits, événements qui se sont produits sur Terre. Et comment Allah, par exemple, parfois, a puni des sociétés et des nations. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça nous permet d'avoir un bon regard, une bonne analyse lorsqu'on lit dans l'histoire. Par exemple, regardez, lorsque vous lisez, par exemple, dans l'histoire des enfants d'Israël, Arrivé à un moment donné, les enfants d'Israël, vous avez vu après l'envoi de Moussa, alayhi salam, donc Allah Jalla a envoyé beaucoup de prophètes aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, donc c'est la descendance de Yaqub, le fils de Ishaq, qui était fils lui-même du prophète Ibrahim, alayhi salam. Et donc après Yaqub, il y a eu des prophètes. Et toute cette descendance-là, la descendance de Yaqub, ce sont les enfants d'Israël, puisque Yaqub était surnommé Israël. Donc ce sont Banu Israël, comme on les appelle en arabe. Et de ce fait, ensuite, Allah Jalla wa Ala, de la descendance de Yaqub, il y aura des prophètes. Donc les enfants d'Israël vont venir à eux de nombreux prophètes. En l'occurrence, il y aura le prophète Moussa, alayhi salam. Et après lui, il y aura Yusha ibn Nun, par exemple. Il y aura aussi Elias, il y aura Eliezer aussi, selon l'ordre, hein, qu'ont donné certains savants, spécialistes de ces questions-là. Et plus tard, il y aura Daoud, par exemple, et il y aura Suleyman. Regardez, par exemple, lorsque vous lisez dans la vie de cette nation, dans l'histoire de cette nation plutôt, les Banu Israël, les enfants d'Israël, vous voyez qu'après la mort de Suleyman, le prophète Suleyman, qui était le fils de Daoud, qui est appelé David, et Suleyman, donc son fils, après, vous voyez que le mal et la corruption s'est répandu. Alors ensuite, Banu Israël sont tombés dans toute forme de transgression. Et ils désobéissaient à Allah dans toute forme de polythéisme. Ils transgressaient les lois d'Allah. Ils traitaient de mensonges. Plus tard, vous allez voir, Allah Jalla wa Ala, leur a envoyé des prophètes. Ils traitaient ces prophètes de menteurs et d'imposteurs. Ils reniaient les signes d'Allah Jalla wa Ala. Donc Allah Jalla wa Ala, par sa miséricorde, il leur a envoyé des prophètes. Mais lisez dans leur histoire, vous voyez qu'après Suleyman, Al-Fasad, la corruption, le mal, les troubles se sont propagés dans leur société. Et de ce fait, vous verrez que si vous lisez cette histoire, Allah Jalla wa Ala ensuite va les punir. Et donc, ils vont être éprouvés. Ils vont être éprouvés. Ça, c'est un exemple. Par exemple, on peut comprendre que ces épreuves qu'ils vont subir et qui vont les atteindre, ça, c'est, on voit bien que c'était un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cause de leur transgression et leur désobéissance. Ils ont même rapporté Ibn Kathir, qui était spécialiste de ces questions, et des faits historiques aussi, il dit par rapport aux enfants d'Israël, il dit, plus tard Allah Jalla wa Ala leur a envoyé un prophète qui s'appelait Shi'aya. Un prophète qui s'appelait Shi'aya. Et lui, ce prophète, il a été la cause. Il a été la cause par ses invocations. Il y avait lui, à son époque aussi, il y avait un roi qui était pieux. Et pour cause de leur invocation, ils ont été cause qu'Allah Jalla wa Ala les a protégés et Allah Jalla wa Ala les a sauvés. C'est-à-dire, Banu Israël, ils étaient face à un envahisseur, à une grande épreuve qui allait les toucher, et Allah Jalla wa Ala les a sauvés de cette épreuve. Il a envoyé des anges, comme il est rapporté, et a sauvé les enfants d'Israël encore d'une épreuve qui était immense. Ils ont fallu être envahis par un envahisseur, un conquérant, et des envahisseurs qui étaient injustes, qui ont fallu dévaster leur terre. Et ce prophète, Shiria, avait invoqué en leur faveur et avait demandé à Allah Jalla Wala de préserver les enfants d'Israël. Donc il a été la cause de leur préservation, du fait qu'Allah Jalla Wala les ait préservés. Mais regardez, alors que ensuite Sharia, ce prophète, les exhortait au bien, il leur rappelait le bien, et il leur rappelait et les appelait à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tard il est rapporté quelque chose de tragique qui va se produire, et bien ils le tueront. Ils ont tué ce prophète Sharia qui était la cause de leur préservation et qu'Allah Jalla wa Ala les avait sauvés d'un envahisseur. Et cette tragédie, ensuite, ça va devenir quelque chose de récurrent chez les enfants d'Israël du fait qu'ils ensuite ils tueront des prophètes. À chaque fois qu'un prophète viendra à eux pour leur faire le rappel, pour les exhorter, pour les conseiller, pour les rappeler au bien et les faire revenir au bien, alors ils le tueront. C'est pour ça que dans le Coran, il est dit, فَضُرِبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ. Et c'était comme si qu'ils, مَا كَانُوا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Ils n'aimaient pas ceux qui les exhortaient, ceux qui leur rappelaient au bien, ceux qui leur rappelaient l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors du fait qu'ils ont tué ce prophète et ils ont tué d'autres prophètes, sans leur coûter, par exemple, la colère d'Allah, la colère du Créateur. Par exemple, Ibn Kathir, dans son tafsir, vous pouvez voir, dans l'explication du verset où Allah Jalla wa Ala nous dit dans un verset qu'il tuait les prophètes. Qu'ils ont tué des prophètes. En l'occurrence, le verset où Allah dit ذَلِكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Du fait de leur mécroyance, du fait qu'ils mécroyaient au signe d'Allah, au verset d'Allah, et du fait qu'ils tuaient les prophètes, traduction relative du verset. Donc Allah nous informe qu'ils ont tué des prophètes. Et même dans Tafsir Ibn Kathir, justement l'explication et l'exégèse de ce verset, Ibn Kathir rapporte d'après Abu Ubaïda, le compagnon, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour a dit au compagnon Abu Ubaïda, il a dit, les enfants d'Israël ont tué dans une seule journée et dans une même heure 43 prophètes. 43 prophètes. Ensuite, il dit que 170 hommes ont été tués à la fin de la journée. C'est-à-dire 170 hommes qui leur ont recommandé le bien et leur ont interdit ce qui était blâmable. Alors ensuite, ils ont exécuté ces 170 hommes qui les rappelaient au bien. Et aussi, nous est rapporté un autre récit de Abdallah ibn Mas'ud, du compagnon, qu'il disait qu'ils ont tué 300 prophètes. Qu'il est rapporté d'eux qu'ils aient tué 300 prophètes. Et de ce fait, le fait qu'ils ont tué des prophètes et des messagers, ensuite Allah Jalla wa Ala, eh ben, les a punis. Et certains savants disent qu'ils ont été punis comment alors qu'ils étaient en terre de Palestine actuelle, et ils étaient à Beit al-Maqdis. Alors lorsque vraiment la corruption s'est propagée, le mal s'est propagé, et lorsque ils ont tué des prophètes, alors la colère d'Allah a fait qu'ils ont été punis. Et ils ont été punis par l'envoi. Beaucoup de savants disent que cela fut avec l'envoi de Nebuchadnezzar. C'est un tyran, ce roi de Babylone. Donc l'histoire est connue dans les livres en français. Vous trouvez Nebuchadnezzar, c'est un tyran. C'est un roi, si vous voulez. C'est un roi de Babylone, des Babyloniens. Et justement, lui, il est rapporté que avec une armée de 600 000 hommes, il a détruit tout Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis qui était Jérusalem, en terre de Palestine actuelle. Alors que pour eux, c'était la terre sainte. Eh bien, elle fut détruite. Et il fut exterminé. C'était vraiment, lorsque vous lisez dans les livres, les détails de l'arrivée de cet envahisseur, ce qu'a fait de Nebuchadnezzar, c'était vraiment terrible. Terrible lorsqu'on lit les faits de ce qui s'est passé. Jusqu'à ce qu'il ait rapporté qu'ensuite, il prit 70 000 enfants. 70 000 enfants qu'il prit comme prisonniers et il fut mis en captivité. Donc il y avait des femmes aussi, il y avait d'autres, des vieux. Et parmi eux, il y avait 70 000 enfants qu'il mit en captivité à Babylone. Et il est rapporté que lorsqu'il a détruit Beit al-Maqdis, il a brûlé toutes les Torahs. Donc toutes les Torahs ont été brûlées. Et là, on voit, là, je vous donne un exemple dans l'histoire, le regard qu'on a, l'analyse qu'on a, là, c'était une épreuve, c'était un châtiment qui est descendu sur eux. Le châtiment d'Allah, du fait de leur transgression, du fait qu'ils aient tué des prophètes et autres parmi les transgressions et les choses terribles qu'ils ont commises. Et justement, parmi les choses terribles qu'ils avaient commises et qui leur a valu cette punition et ce châtiment d'Allah, ce printemps-là, c'est après l'envoi de ce prophète qu'on a mentionné tout à l'heure, Shiria, Allah, Jalla wa Ala, on va envoyer un autre prophète, Armiya, qui est célèbre, hein, Armiya. Et justement, à Armiya, ce prophète les appelait au bien, justement. Il leur rappelait l'obéissance à Allah, il leur rappelait les versets d'Allah, il leur rappelait les signes d'Allah, et il les rappelait à... justement, à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ce qu'ils ont fait de Armiya, c'est qu'ils l'ont emprisonné. Ils ont mis le prophète en prison, ils l'ont emprisonné, et ça, beaucoup de savants disent, ça leur a valu ensuite le châtiment d'Allah, et donc ensuite, il y a eu l'arrivée de cet envahisseur, qui était Nabuchodonosor. Donc, comme on a dit précédemment, les Torahs ont été brûlés, la cité Beit al-Maqdis, a été détruite complètement et beaucoup de femmes et d'enfants, comme on a dit, ensuite ont été mis en captivité et emmenés à Babylone. Et parmi ces captives, il est dit, hein, il y avait parmi ces enfants beaucoup de descendants du prophète Yaqub qui ont été mis en captivité à Babylone. Et c'est là qu'il y a l'histoire aussi, ils disent que parmi eux, il y avait le prophète qu'on appelle Daniel, le prophète Daniel, et qui était présent aussi. Il y a cette célèbre histoire aussi avec le Nabuchodonosor. Avec lui, cette célèbre histoire ensuite que le prophète Daniel ensuite a été mis dans un puits. Et il y a la célèbre histoire ensuite que il lui avait jeté justement des lions pour le punir. Et ensuite, ces lions n'ont pas fait de mal au prophète Daniel. Donc, il y a ensuite une histoire aussi. Ils disent même que à cette époque, il y avait aussi Uzair. Uzair, celui dont ensuite les enfants d'Israël diront qu'il est prophète. Et Uzair est justement mentionné dans le Coran. Et Allah fait allusion à Uzair dans le Coran. Et justement, lorsqu'on parle de Daniel, il y a cette célèbre histoire qui est mentionnée par... il y a un hadith, justement, qui est mentionné concernant Daniel. Une histoire où il est dit qu'à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an, lorsqu'ils ont conquis cette région, cette contrée qui s'appelait Dustar, Dustar, c'est là qu'ils ont trouvé, parmi les trésors de Rumuzen, ils ont trouvé un lit sur lequel reposait un homme. Et cet homme, il était mort. Et à côté de la tête de cet homme se trouvait un livre. Il y avait un livre où il y avait des écrits. Et alors, les compagnons à l'époque, et en l'occurrence, il y avait même Abu Musa al-Ash'ari, puisque c'était à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Lorsqu'ils prirent le livre, ils disent qu'ensuite ils l'ont apporté à Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Et Omar avait demandé même de traduire ce livre. Il avait demandé à Ka'b de traduire le livre en arabe. Et ce récit, justement, il nous est rapporté de Abu al-Ali. Jusque même, ils disent que la chaîne de transmission est authentique. Hein. Elle est jugée bonne par les spécialistes. C'est pour ça que vous pouvez retrouver cette histoire. Beaucoup de savants la relatent. Donc, lorsque ça a été traduit en arabe, ensuite, il dit, et justement, j'ai lu comme si je le lisais, c'est-à-dire le Coran, comme si je lisais le Coran, lorsque ça a été traduit en arabe. Et donc, ils ont demandé, et ils dirent à Abu al-Ali, mais que contenait-il ce livre? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre? Alors ils disent, il y avait votre histoire et vos événements et vos propos et tout ce qui existera ensuite. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de l'homme? Alors ils disent, on l'a enterré, c'est-à-dire la nuit. L'homme, il a été enterré la nuit. Et là, vraiment, il y a une grande histoire qui est rapportée. C'est que lorsqu'ils ont trouvé le corps lorsqu'il fut trouvé. Donc ensuite, lorsqu'ils ont fait part de cela à Omar ibn Khattab, regardez, les enseignements des compagnons, il leur a demandé de creuser un trou, c'est-à-dire la tombe, pour qu'ils soient enterrés. Et les compagnons, ce qu'ils ont fait, ils ont creusé 13 tombes. Ils ont creusé 13 tombes séparées. Et la nuit venue, donc ils n'ont pas enterré la journée, et la nuit venue, ils l'ont enterré. Ensuite, toutes les tombes, ils les ont recouvertes de leur terre et elles étaient toutes similaires, ces 13 trous qu'ils ont creusés. De sorte qu'ils ont fait cela la nuit et le lendemain matin, alors, toutes les tombes étaient recouvertes. Alors, lorsqu'ils vont demander, mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Ils disent, dans la journée, nous avons creusé 13 tombes séparées et la nuit venue, nous l'avons enterrée et nous avons rebouché toutes les tombes afin d'en cacher le lieu exact aux gens afin qu'ils ne l'exhument pas, pour pas qu'ils puissent le retirer, pour pas qu'ils puissent savoir où qu'il était. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'il est rapporté qu'à l'époque, il y avait les Perses et les gens se servaient du corps. Puisqu'on va voir ensuite que le compagnon, lorsqu'ils vont demander, mais qui était-il cet homme? C'était qui? Ils vont dire, c'était le prophète Daniel, justement. Le prophète Daniel, et ils vont même dire qu'il est dit dans ce récit qu'il était là depuis 300 ans. Depuis 300 ans. Et justement, les gens à l'époque, ils disent, il y avait même les Perses, ils se servaient de son corps pour chercher la bénédiction, ou lorsqu'ils avaient besoin, lorsqu'il n'y avait plus de pluie, alors ils utilisaient son corps et ils avaient trouvé qu'il y avait une bénédiction à travers ce corps-là et qu'ensuite descendaient les pluies. Donc les gens cherchaient bénédiction auprès du corps de Daniel, puisqu'il est dit dans le récit que c'était le prophète Daniel. Et donc regardez, les compagnons ont enterré Daniel de sorte que les gens ne savent pas exactement où était enterré exactement Daniel. Et vous allez vous poser la question, mais comment ça se fait 300 ans après le corps fut retrouvé? Comme cela Allah Jalla Wa'ala a décidé, il est même dit hein, dans des récits que le corps des prophètes n'est pas rongé par la terre et n'est pas mangé par les charognards aussi. Et ça, c'est un hadith qui est authentique du prophète. C'est pour cela qu'il est rapporté que plus tard, le corps de Daniel va être retrouvé par les compagnons, en l'occurrence à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala an. Et les savants aussi mentionnent cette histoire pour dire, regardez les compagnons, ce qu'ils ont fait. Regardez cette manière, qu'est-ce qu'on déduit de leur manière de faire? Le fait qu'ils ont creusé 13 trous, 13 tombes. la journée. Et ils ont attendu la nuit pour enterrer le corps. Regardez, tout de suite leur réaction lorsqu'ils ont retrouvé ce corps, leur réaction ensuite lorsqu'ils ont fait part de cela. Omar ibn al-Khattab, c'était de l'enterrer. Omar ibn al-Khattab leur dit de creuser un trou pour l'enterrer. C'est la première réaction. Regardez, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Et les savants, regardez cet enseignement qu'on tire, la préservation du tawhid, de l'unicité. Préserver le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première chose. Regardez, là on a une preuve vraiment immense que la première chose que les compagnons font, c'était préserver les limites de l'unicité d'Allah, du tawhid. Et obstruer toute forme, toute chose menant vers le polythéisme. Toute forme de polythéisme, eh ben, obstruer toutes les voies et tous les chemins qui nous mènent vers le polythéisme. Regardez, les compagnons ont creusé pendant la journée 13 tombes et ils ont attendu la nuit pour l'enterrer. Donc aussi, on voit parmi ces enseignements le droit du prophète qu'il soit enterré. Et la nuit, lorsqu'ils vont l'enterrer, ensuite ils vont reboucher tous les trous, toutes les tombes, et la journée, de sorte qu'elles seront toutes similaires et les gens ne pourront pas distinguer. Ne pourront pas distinguer quelle est la tombe et où est enterré Daniel. Subhanallah. Et là, ça nous prouve vraiment la connaissance du tawhid qu'ils avaient et que la première chose qu'ils ont fait, c'était vraiment de préserver les limites de l'unicité d'Allah. Après, ça n'empêche pas, plus tard, il y en a, ils vont dire que ensuite, on voit aujourd'hui la tombe de Daniel est adorée. Certains disent qu'ils ont la tombe en actuelle en Ouzbékistan. Même ils disent qu'ils adorent la tombe de. Ils en ont fait une coupole. En Ouzbékistan, plus précisément dans cette terre de Samarcande. Et même en Iran, ils disent qu'ils ont la tombe de Daniel à l'heure actuelle. Même il n'y a pas très si longtemps de cela, en Irak, hein, ils disaient qu'ils avaient la tombe de Daniel, etc. Ça ne leur a pas empêché de s'imaginer qu'ils avaient la tombe de Daniel et d'adorer cette tombe. Mais regardez, dans tous les cas, ce qui nous est rapporté de voix authentique, cette manière dont les compagnons ont enterré Daniel. Donc, vous avez vu comment Allah Jalla wa Ala, eh ben, les a éprouvés, mais ça faisait partie de sa colère. Plus tard, il est dit, plus tard, là, on n'a pas le temps, je vais arrêter sur ça, si on se rappelle, mais plus tard, il est dit, ensuite, il y aura Uzair, et il y a vraiment même un verset qui nous fait allusion à Uzair. Certains savants, ils ont dit que plus tard, lorsque Uzair, ensuite, leur viendra. On essaiera de conclure cette histoire demain, Inch'Allah, au début de la locution, puisqu'il y a une grande histoire sur cela. Lorsque Uzair leur viendra, elle leur rappellera. Pourquoi? Parce que comme Beit el-Maqdis a été détruite, plus tard, avec le temps, ces enfants qui ont été pris en captivité à Babylone, plus tard, ils vont grandir et parmi eux, il y aura des pieux et des dévots. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur faciliter le fait de pouvoir revenir en terre de Palestine actuelle, hein, ce qu'on appelle la Palestine actuelle, en terre de Beit el-Maqdis, à Jérusalem. Alors que les gens, personne ne pensait qu'un jour ils pourraient revenir, que les enfants d'Israël pourraient revenir en terre de Jérusalem. Regardez, Allah fait ce qu'il veut. Et du fait que, après la captivité de Babylone, ces enfants-là, lorsqu'ils vont grandir, ça sera des pieux et des gens qui seront fervents dans l'adoration d'Allah, Allah leur permettra de revenir à Beit el-Maqdis, à Jérusalem, lorsqu'un envahisseur va envahir les Babyloniens. Les Babyloniens. Et il est rapporté dans l'histoire, ça sera les Perses. Les Perses vont venir envers les Babyloniens et ils vont permettre aux enfants d'Israël de revenir à Jérusalem par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ensuite, il y aura l'arrivée de Uzair. Il y a une grande histoire avec Uzair. Beaucoup considèrent que c'était véritablement un prophète, comme on verra. Mais plus tard, vous allez voir qu'ils vont revenir dans la désobéissance à Allah et la transgression. Et c'est de là qu'ils seront envahis par des rois égyptiens. Et l'histoire, longtemps, longtemps après, ils seront envahis par les Romains. Et seront encore une fois expulsés. Expulsés de Jérusalem et de Palestine, hein, qui est la terre actuelle. Et on voit par punition. Donc faire la distinction lorsqu'on a parlé de l'histoire de. On va se quitter sur ça, sur l'histoire de Ayoub. C'est une épreuve purificatrice qui élève en rang lorsqu'Allah aime, il éprouve. Et parfois, il y a des épreuves qui sont des punitions. Et ça, c'est à prendre en considération. Et parfois, lorsque vous voyez des gens qui vivent dans la prospérité, qui n'ont pas d'épreuves, qui sont riches et ils sont heureux, épanouis, alors qu'ils sont dans la désobéissance à Allah, sachez, cela, on appelle ça l'istidraj. Allah leur donne un délai. Et comme il est dit, Allah peut donner un délai, mais Allah n'oublie pas et ne néglige pas. Et un jour ou l'autre, ils seront pris soudainement et Allah les punira. Et Allah les punira. Et donc, on va se quitter sur ça. Et فنسأل الله أن يحفظنا وأن يجعلنا من المتقين ومن الفائزين في هذه الدنيا في الآخرة كما نسأل جل وعلا التوفيق والسداد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك.